Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La laïcité dévoilée, c'est le titre du pamphlet disponible sur Internet et signé Marc Menant, qui est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Je suis comme toujours heureux de recevoir Marc Menant. Nous dirons un mot tout à l'heure de ce texte en faveur de la laïcité, un texte très, très habité comme toujours avec Marc, qui paraît ressusciter l'esprit du XVIIIe siècle et des Lumières. Et justement, pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'aller à la rencontre d'un des couples mythiques de ce grand siècle des penseurs français, celui que formèrent, ou d'ailleurs ne formèrent pas, Voltaire et Madame du Châtelet. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Benjamin sur les origines de l'expression « douche écossaise ». Oui, l'Écosse est à la mode en ce moment, vous avez remarqué, mais moins sans doute que si elle avait voté pour l'indépendance il y a quelques semaines. Pour le moment, je vous propose de partir à la rencontre de deux grands, de deux beaux esprits, ceux d'Émilie et de François-Marie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous connaissez Lunéville et son immense château qui avait brûlé il y a une quinzaine d'années et qui est en perpétuelle reconstruction. C'était le siège de la cour d'un ancien roi de Pologne, roi déchu de Pologne, qui se trouvait être le beau-père de Louis XV, le roi Stanislas Leszczynski. Eh bien, dans la nuit du 3 au 4 septembre 1749, la marquise du Châtelet va donner naissance, là, à cette cour de Lunéville, elle va donner naissance à son quatrième enfant. Voltaire n'est pas loin, bien entendu, et même si l'enfant n'est pas de lui, il est là, incorrigible et égotique, comme d'habitude. Voilà ce qu'il écrit dans une lettre au comte d'Argenson. On est quelques heures seulement après la naissance de l'enfant. Griffonnant quelques pancartes newtoniennes, Madame du Châtelet a eu un petit besoin, écrit-il. Ce petit besoin était une fille qui apparut sur le champ. On l'a étendu sur un livre de géométrie in quarto. La mère est allée se coucher, parce qu'il faut bien se coucher, et si elle ne dormait pas, elle vous écrirait. Pour moi, qui ai accouché d'une tragédie, de Catilina, je suis 100 fois plus fatigué qu'elle. Elle n'a mis au monde qu'une petite fille qui ne dit mot. Et moi, il m'a fallu faire un Cicéron, un César, et il est plus difficile de faire parler ces gens-là que de faire des enfants, surtout quand on ne veut pas faire un second affront à l'ancienne Rome et au théâtre français. Conservez-moi vos bontés, aimez Cicéron de tout votre cœur, mon cher. Il était bon citoyen comme vous et n'était point macro de sa fille, comme l'a dit Crébillon. Mille respects, et c'est signé Voltaire. La légèreté de Voltaire est terrible. Elle devient surtout terrible lorsqu'on sait ce qui va se passer, puisque l'enfant, c'était assez fréquent à l'époque, meurt au bout de 10 jours seulement. Entre-temps, Émilie du Châtelet est tombée malade. Elle a très mal supporté cet accouchement qui succédait lui-même à une grossesse particulièrement pénible. Elle a constamment la fièvre, elle a mal à la tête. Et très peu de temps après, au bout de 4 jours, 5 jours, malgré l'intervention des médecins, elle a des suffocations, des étouffements. Le 10 septembre 1749, à 2 heures de l'après-midi, Madame du Châtelet meurt et elle n'a que 43 ans. Voltaire, qui était bien léger, vous l'avez vu encore quelques jours plus tôt, et qui était fou de joie, comme à chaque fois qu'il était dans sa compagnie, Voltaire est complètement effondré, bien entendu. Dans une autre lettre, voilà le philosophe qui se lamente maintenant. « Quel coup épouvantable, écrit-il. Je vous avais mandé le plus heureux et le plus singulier accouchement. Une mort affreuse l'a suivi, et pour comble de douleur, il faut encore rester un jour dans cette abominable Lunéville qui a causé sa mort. Je vais à Cirey avec Monsieur du Châtelet. De là, je reviens pleurer entre vos bras le reste de ma malheureuse vie. Ayez pitié de moi, mon cher et respectable ami. Écrivez-moi à Cirey. Voilà la seule consolation dont je sois capable. » Pour Voltaire, cette mort, la mort de la marquise du Châtelet, qu'il surnommait sa divine, est plus qu'un drame, c'est une fracture dans son existence, et nous allons comprendre pourquoi tout à l'heure. Ils se connaissaient depuis 16, même depuis 17 ans. Ils ont été amants, ils ont partagé de nombreuses choses, et surtout des choses intellectuelles. C'est à l'opéra que Voltaire et la marquise s'étaient rencontrés pour la première fois au printemps 1733 donc. À l'époque, Madame du Châtelet n'a que 28 ans. C'est pas n'importe qui, hein. Elle est née Breteuil, s'il vous plaît, en 1706. Son père, le baron de Breteuil, était l'introducteur des ambassadeurs du roi Louis XIV. Et c'est d'ailleurs une charge extrêmement importante. Vous imaginez la personne qui vient amener les ambassadeurs devant le roi à une époque où il n'y a pas de visite entre les chefs d'État. Donc les ambassadeurs ont un rôle essentiel. C'est une charge qui était dans la famille depuis Charles IX, depuis 1579. En 1725, elle s'était mariée à Florent-Claude du Châtelet, donc alors lui fils d'une grande famille lorraine qui exerce des commandements militaires, on est tout ça dans la grande, dans la noblesse d'épée bien entendu. Elle a eu trois enfants, Gabrielle Pauline qui est née en 1726, qui épousera plus tard un duc italien, Florent-Louis qui est né en 1727 et qui deviendra ambassadeur, et puis Victor Esprit qui était mort à l'âge d'un an en 1734. Et cette jeune femme, très riche, très brillante, qui est constamment à la cour de Louis XV à Versailles, qui fréquente les salons aristocratiques parisiens les plus célèbres, a toutes sortes de liaisons avec des hommes plus brillants les uns que les autres, bien entendu. Et parmi eux, François-Marie Arouet, qui se fait appeler Voltaire. Il a 11 ans de plus qu'elle, il a 39 ans à l'époque, et il est déjà célèbre, hein. C'est un auteur de théâtre essentiellement. Nous connaissons, nous, Voltaire, pour ses contes philosophiques, pour sa correspondance, pour son parti pris dans un certain nombre de grandes affaires judiciaires de la fin du règne de Louis XV. Mais à l'époque, Voltaire est d'abord un dramaturge, et c'est bien comme ça qu'il se vit lui-même. Pour lui, il est le successeur désigné du grand Corneille. Il a fait aussi, il faut le dire, quelques séjours à la Bastille qui n'ont pas été pour rien dans sa célébrité. C'est ce qui l'avait poussé à aller passer pas mal de temps en Angleterre. Voltaire et Émilie du Châtelet ont des amis en commun, notamment le duc de Richelieu, dont on pense qu'il a été l'amant de Madame du Châtelet. En même temps, on se demande bien de qui ce duc de Richelieu, qui était le petit-neveu du célèbre cardinal, n'a pas été l'amant, puisque c'est le grand libertin du XVIIIe siècle et que à peu près toutes les grandes dames de la cour et de Paris sont passées un jour ou l'autre dans son lit, ou l'inverse d'ailleurs plutôt. Voltaire et Madame du Châtelet sont persuadés d'être faits l'un pour l'autre. Le philosophe écrit tout en elle et noblesse, son attitude, ses goûts, le style de ses lettres, sa manière de parler, sa politesse même. Sa conversation est agréable et intéressante. Mais me direz-vous, Monsieur de Voltaire serait-il amoureux ? Jean-Sébastien Bach, Menuet et Badinerie, suite pour orchestre numéro 2. On vous retrouve dans un instant, et avec vous Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la relation entre Madame du Châtelet et Voltaire sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Bel après-midi ce lundi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire avec vous Franck Ferrand, et vous nous parlez aujourd'hui de Madame du Châtelet. Madame du Châtelet est lettrée, elle est cultivée, elle est amoureuse du raisonnement. Depuis ses 12 ans, elle s'intéresse notamment aux mathématiques. Il faut vous dire qu'elle a été l'élève du grand mathématicien Moreau de Maupertuis. Elle s'intéresse à la physique, elle fait toutes sortes d'expériences, bien entendu, à la philosophie. Elle lit, elle parle, elle écrit couramment l'allemand, l'anglais bien entendu, puisqu'elle parle beaucoup anglais, et puis le latin et le grec, comme on faisait à l'époque quand on était bien élevé. Elle loue les services de professeurs, hein, parce qu'évidemment à l'époque, il n'y a pas d'enseignement supérieur pour les femmes. Donc les femmes savantes, si je puis dire, doivent s'offrir les cours privés de précepteurs, de professeurs. Elle est donc philosophe, elle discute les principes et les bases du christianisme notamment, elle va faire une critique de la Bible très intéressante, elle cherche à créer par ailleurs toute une espèce d'art de vivre qui serait fondée sur l'expérience, sur la raison. On est dans cette espèce de quête de la raison, hein, de ce siècle rationaliste, de ce qu'on a appelé précisément les Lumières. Elle a un petit côté un peu, je ne sais pas si on doit employer le terme féministe, car évidemment il serait totalement anachronique, mais en tout cas, elle tient beaucoup à la condition des femmes. Elle s'y intéresse de près et c'est peut-être ce qui nous la rend notamment assez proche. En 1735, elle avait traduit une œuvre satirique de l'anglais Robert de Mandeville qui s'appelle « La fable des abeilles ». Et dans la préface, elle revendiquait pour les femmes le droit à l'égalité avec les hommes dans le domaine de la pensée. Ce qui n'était pas si évident, même si l'on sait que tous les grands salons du XVIIIe siècle étaient tenus par des dames, bien entendu, et qu'elles avaient effectivement un rôle moteur dans ces questions de culture, de pensée, etc. C'est une femme qui s'intéresse à l'opéra, au théâtre. Elle joue beaucoup en tant que comédienne amateur. Enfin, tout ça, ça fait partie des occupations d'une dame de la bonne société. Ce qui est amusant, c'est que tout un télo qu'elle soit, si je puis dire, ça n'est pas ce qu'on appelle un bas bleu. C'est-à-dire qu'elle est en même temps très coquette, elle s'intéresse beaucoup aux robes, aux chaussures, aux bijoux. D'ailleurs, Voltaire l'avait surnommée Madame Newton Pompon du Châtelet pour se moquer justement un petit peu de ce travers. Et elle écrit dans son discours sur le bonheur en 47 « Une boîte, une porcelaine, un meuble nouveau sont pour moi une vraie jouissance. » Donc elle reconnaissait ce côté volontairement un peu futile. Alors, on peut pas dire pour autant, parce qu'elle a vraiment toutes les qualités, cette Émilie, mais on peut pas dire qu'elle soit vraiment une belle femme. Elle n'est pas une beauté, nous dit Jules Bertheau, trop grande, trop maigre, brune de peau, mais elle a de beaux yeux, très intelligents, un front vaste, et elle pose à la femme intellectuelle. Le terme intellectuel n'existait pas de cette façon, mais enfin bon. Une rivale dit d'elle, elle est grande, sèche, sans cul, sans hanches, la poitrine étroite, deux petits tétons arrivant de fort loin, nous dit elle. Mais Madame du Châtelet n'en est pas moins très séduisante, parce qu'elle a ce chien, si je puis dire, et cette allure et cet esprit extraordinaire qui la rendent irrésistible aussi bien à un duc de Richelieu qu'à un Voltaire. La preuve. Alors, elle a aussi été la maîtresse de son prof de mathématiques, en l'occurrence. Elle vit au château de Siret, et c'est un peu par hasard que Voltaire va découvrir ce château de Siret. Il faut vous dire qu'un imprimeur avait voulu se faire un peu d'argent en publiant et en vendant des travaux de Voltaire, notamment les lettres philosophiques, dans lesquelles il rendait hommage à la liberté religieuse et politique qu'il avait notamment connue, ou un peu entreaperçue en Angleterre. Problème en France, les censeurs officiels, les censeurs du gouvernement, voyaient dans ce genre d'écrit une critique directe du roi et de l'Église. Or, l'imprimeur est enfermé à la Bastille, et l'on sait qu'il y a déjà une lettre de cachet qui a été remplie, que le roi n'a plus qu'à signer, pour embastiller une nouvelle fois Voltaire. C'est comme ça qu'il va venir chercher refuge au château de Siret. C'est un refuge idéal, parce qu'on est vraiment aux limites de la Lorraine, là. Il suffit de prendre une voiture, et en une demi-journée, vous êtes hors des frontières du royaume. Donc, en cas où ça tournerait mal, Voltaire aurait un endroit où aller s'abriter. Alors, quand il découvre le château de Siret, il faut aller à Siret, entre parenthèses. J'ai eu cette chance, il y a quelques années, d'aller visiter, c'était aujourd'hui en Haute-Marne, d'aller visiter cette merveilleuse demeure qui a conservé l'esprit de Madame du Châtelet, de Voltaire, cette espèce de république des sciences, des lettres, où l'on voit que chacun dans son coin faisait ses expériences, travaillait avec ses machines, faisait ses propres expérimentations de physique, de chimie. Ça devait être passionnant. Et il y a encore aujourd'hui à Siret ce très beau théâtre de société où l'on montait le soir pour jouer la comédie, et on avait Voltaire en personne qui écrivait. Vous imaginez, quand même, on a envie de dire, ça devait être quelque chose. Bien sûr que la vie était sans doute difficile au XVIIIe siècle, et la mort très prématurée d'Émilie du Châtelet en est un exemple, mais en est même la preuve. Mais en même temps, quelle vie ça devait être, et quel foisonnement de l'esprit. C'est tout à fait extraordinaire. Ils ont beaucoup d'argent, tous ces gens, il faut le dire. Il y a une aisance, bien entendu, le château devient très confortable. Voltaire va y aider d'ailleurs, il va mener, le château était en assez mauvais état, il va aider le mari de Madame du Châtelet, le marquis du Châtelet, à transformer cette demeure, à lui rendre un peu de son lustre. Mais avec Émilie, on ne peut pas dire qu'ils ne fassent que mener la grande vie. Ils travaillent avec elle. On les voit passer une grande partie de leur temps à lire, à analyser, à discuter les travaux de nombreux auteurs, car on lit les auteurs de toute l'Europe. Ça sert de parler allemand et de lire l'anglais couramment, bien entendu. Tous les sujets sont abordés, la métaphysique, la philosophie, la physique bien sûr, la théologie, l'histoire, qui est un des sujets privilégiés de Voltaire, vous le savez. La bibliothèque du château compte quelques 21 000 ouvrages, ce qui est tout à fait considérable. C'est l'équivalent d'une bibliothèque d'université de l'époque. Donc voyez un peu, on est dans un endroit où la culture, où le savoir sont là, bouillonnants, avec cette complicité entre les invités, et notamment toute particulière, vous l'aurez senti, entre Voltaire et la marquise elle-même. Dans son introduction aux éléments de la philosophie naturelle de Newton en 1737, Voltaire déjà indiquait qu'Émilie et lui-même avaient collaboré à l'écriture de cet ouvrage, une traduction en français donc d'un ouvrage de Newton. Et après ce projet, Émilie avait poursuivi ses études sur les mathématiques et terminé la traduction des Principia que Voltaire fera publier après sa mort. On a beau faire un saut d'esprit, la chair est bonne, on joue au théâtre, il y a des musiciens, tout va bien, mais quand même, on travaille, on va chaque jour un peu plus loin et l'on essaie de repousser non seulement les frontières du savoir, mais, et c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus noble me semble-t-il, celle de l'entendement. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr ou encore via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, également sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous reviendrons avec vous, Franck Ferrand, sur la relation entre Madame Duchâtelet et Voltaire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand, vous nous parlez de la relation entre Madame Duchâtelet et Voltaire cet après-midi. Madame Duchâtelet, qui était donc, on pourrait le dire d'une certaine manière, la première femme scientifique de France qui entretient cette correspondance incroyable avec tous les grands esprits de l'Europe de l'époque. Il ne faut pas se tromper sur son importance. Voltaire nous dit qu'il est saisi d'admiration devant elle et il se présente même comme le scribe de Madame Duchâtelet. C'est intéressant parce que nous avons, nous, aujourd'hui, une image statufiée immense de Voltaire. Quant à Madame Duchâtelet, elle a un tout petit peu passé aux oubliettes. Alors qu'en vérité, Voltaire lui-même se considérait quasiment comme son élève. Il faut le comprendre. Elle écrit dans ses réflexions sur le bonheur « J'ai été heureuse pendant 10 ans par l'amour de celui qui avait su gagner mon âme ». Ça, c'est bien Voltaire dont on parle. Il la retrouve en 1748, mais cette fois à Lunéville, donc à la cour du roi Stanislas de Pologne, qui est devenu donc le duc de Lorraine. Vous savez, entre parenthèses, une toute petite parenthèse, que c'est à la mort de Stanislas, c'était prévu dans les traités, que la Lorraine est revenue à la France, et donc elle est devenue française en 1764. Je ferme la parenthèse. Donc, Stanislas reçoit tout ce beau monde, il reçoit particulièrement bien Voltaire, hein, et Madame Duchâtelet aussi. Stanislas a réservé les plus beaux appartements au couple, qui n'est pas un couple marié, vous l'avez bien compris. Elle est elle-même avec un ami, on va dire, hein, puisque son mari est en garnison, le vieux monsieur Duchâtelet, lui, on s'en occupe pas du tout. Elle est au rez-de-chaussée, à côté du roi, et Voltaire est au premier étage avec une vue superbe de sa chambre et un escalier intérieur qui lui permet de descendre discrètement chez son mari. Sauf que, assez vite, Madame Duchâtelet va tomber amoureuse. Alors de qui ? Eh bien, de celui qui se trouvait être l'amant de la maîtresse officielle du roi Stanislas. C'est-à-dire que le roi Stanislas avait une maîtresse, Madame de Boufflers, et Madame de Boufflers avait un amant. Et l'amant en question, c'était un très jeune et joli garçon et officier qui composait des poésies, il rimait des madrigaux, il avait des grands yeux clairs. Bref, toutes ces dames étaient complètement affolées. Eh bien, Madame Duchâtelet aussi, elle va tomber complètement amoureuse. Elle a la tête chavirée. Elle est ivre de bonheur, nous dit Berthaud, ne se demandant même pas si Saint-Lambert est sincère, ne songeant qu'à goûter avec lui ses prémices de l'amour qu'elle retrouve avec délice, ses regards jetés en passant, ses serments de main dans les coins, ses baisers cueillis à la dérobée. Alors on dit qu'il s'échangeait des billets, on est tout à fait dans les liaisons dangereuses là, il s'échangeait des billets en les cachant dans la harpe du salon, vous voyez, enfin on imagine, tout ça devait être extraordinaire. Voltaire est furieux car il finit par découvrir le poteau rose à l'automne 48 quand il arrive, quand il découvre tout ça. Il décide de quitter la cour, il est désespéré, puis finalement, il va changer d'avis. Il décide de se ressaisir en quelque sorte. Et puis, il va voir le jeune Saint-Lambert et lui dit « Mon enfant, j'ai tout oublié. Vous êtes à l'âge heureux où l'on aime. Un vieillard comme moi n'est plus fait pour ses plaisirs. » Ah, ça, c'est Voltaire. Vous savez qu'il était complètement malade imaginaire. Il passait son temps à se plaindre. Toujours bon. Mais néanmoins, c'est bien un ménage à trois qu'on va voir continuer à vivre comme ça à la cour du roi Stanislas. Problème, assez vite, Madame Duchâtelet est enceinte. Inutile de vous dire de qui elle est enceinte, évidemment, de ce jeune homme, mais sauf qu'elle est mariée, alors il va falloir monter toute une histoire. On se retire au château de Siret, on invite le mari à venir passer, à venir faire un petit séjour au château de Siret. On le combla d'attention, nous dit Berthaud, comme on pense. On convia pour lui faire fête la noblesse d'alentour. On organisa une chasse en son honneur. Voltaire l'étourdit de son esprit et le soir, Saint-Lambert, qui était resté, l'invita à conter ses campagnes, sujet qui lui était particulièrement cher et sur le lequel il pérorait sans se lasser. Il parla donc, il but pour pouvoir parler davantage, il but tant qu'au petit jour il avait perdu toute conscience. On l'enleva alors avec précaution et on le déposa dans le lit de son épouse, aux côtés de laquelle il se réveilla le lendemain, tout ahuri de se trouver là. Et elle lui dit « mon ami, quelle nuit !» Et donc les apparences étaient sauves, on allait pouvoir faire croire au mari qu'il était le père de la petite fille qui allait naître. Sauf que, vous l'avez compris et je vous l'ai dit, pour commencer cette émission, la petite fille en question, elle ne va pas survivre, et bien plus tragique pour l'époque, la maman non plus ne va pas survivre. C'est un grand esprit qui disparaissait en Madame du Châtelet. On a tendance souvent à dire qu'avec sa mort, c'est la vie de Voltaire qui prenait un nouveau tour. Je dirais même, pour ce qui me concerne, que c'est peut-être un peu la vie de l'esprit, c'était peut-être un peu la pensée européenne qui allait changer avec la mort de celle qui en avait été en quelque sorte l'étoile et l'étincelle. Bonjour Marc Menant. Bonjour Franck. Nous allons revenir évidemment sur cette histoire entre Voltaire et Madame du Châtelet. On va en profiter pour parler un peu de la vie de l'esprit à cette époque. Et puis, ça nous amènera à un certain nombre de questions sur lesquelles le XVIIIe siècle aurait encore pas mal à nous enseigner. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la relation entre Madame du Châtelet et Voltaire, avec votre invité, le journaliste et écrivain Marc Menant. Alors Marc, une de nos auditrices, non un auditeur, pardon, via Twitter, Philippe, propose que Madame du Châtelet, en tant que première femme scientifique de France, entre au Panthéon, ce serait envisageable. Est-ce qu'on sait où elle est enterrée, Madame? Dans la cathédrale de Lunéville. Quand je dis dans la cathédrale, c'est sous la cathédrale, sous les dalles. Sous les dalles du cœur, en fait, on faisait à l'époque, c'est ça. Je dirais que c'est la revanche des dévots. Ils viennent piétiner l'esprit de la laïcité. Alors justement, on va venir à cette idée de laïcité et on va voir jusqu'à quel point on peut en rendre père et mère Voltaire et Madame du Châtelet. Avant cela, concluons peut-être sur leur propre vie. Ils ont été amoureux, objectivement, ils se sont aimés, ces deux. Oui, mais c'est véritablement peut-être, quand on lit tous les éléments de l'effervescence du cœur de Voltaire, on se dit que s'il a eu une déflagration, c'est pour Madame du Châtelet. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il l'a rencontrée quand elle était toute petite. Il ne pouvait imaginer qu'un jour... La toute première fois, oui. La toute première fois, c'est-à-dire que... C'était une petite fille. Elle avait 11 ans. Oui, c'est ça. Et dans le salon de son papa, que vous avez merveilleusement bien décrit tout à l'heure, il y avait tout le monde de l'aristocratie, mais les penseurs. C'était un homme qui croyait à cette effervescence de l'intelligence. Alors il convoquait La Fontenelle, le secrétaire de l'Académie des sciences, qui mourra, alors quand on dit à l'époque, on mourrait de bonheur. Presque 100 ans. Il manquait 8 jours. Oui, c'est ça. Bon, mais il a été presque l'un des premiers centenaires. Et Fontenelle était là, c'est lui qui a donné des cours d'astronomie à Émilie. Il y avait également Saint-Simon, le chroniqueur de la cour de Louis XIV. Et lui, il enseignait les rapports humains à Émilie. Il y avait donc, dans l'esprit de cet enfant qui, loin d'aller au couvent comme ses congénères, a eu le bonheur d'être constamment au contact des cerveaux les plus créatifs. Enfin, quand même, une petite fille puis une jeune fille qui a comme contact, si je puis dire, et comme relation directe, Saint-Simon, pour parler de la cour, de l'histoire, de la politesse, c'est un grand historien, Saint-Simon, il faut pas le négliger. Fontenelle, pour parler d'astronomie, Maupertuis, pour parler de mathématiques, enfin, c'est tout ce qu'il y a de mieux, ça. Alors Maupertuis, lui, il va avoir un détour, disons, par l'étreinte. Il est plus que probable que les cours finissaient par échauffer les esprits, mais aussi les cœurs, et qu'il a eu le bonheur de connaître cette effervescence de Madame du Châtelet. Mais il est vrai aussi qu'il l'a énormément surpris. C'est-à-dire que Émilie du Châtelet était très très créatrice, mais elle avait une modestie. Elle disait toujours « je ne suis pas digne de vous ». Et elle essayait de progresser, ne pas être uniquement une élève. Et là, c'est sans doute lié à cette éducation de son père, qui lui avait instauré l'esprit critique, tant et si bien qu'elle finira par combattre Fontenelle. N'oublions pas qu'en France, à l'époque, on a toujours eu un peu cette arrogance. Nous sommes les rois de la pensée. Alors il y avait eu Descartes et tout le monde croyait à cette rationalité de Descartes. Mais en Angleterre, il y avait d'autres théories qui étaient en train d'émerger, et en particulier celle de Newton. D'un côté, c'était un univers qui était plein, celui de Descartes, et d'un autre côté, c'était un univers qui était vide, celui de Newton avec la force de gravitation. Et Voltaire et Émilie ont tout de suite cru. Choisi l'Angleterre. Alors imaginez déjà. Ce sont des Newtoniens. Ce sont des Newtoniens, mais ils étaient déjà tellement mal vus parce qu'ils attaquaient. Là encore, Voltaire a été l'un des premiers à combattre la religion. N'oublions pas, là aussi, il faut faire une différenciation entre la religion et la croyance. L'un et l'autre seront déistes. Il était qu'il croit en un dieu. Il croit en un dieu créateur, un dieu qui a créé des lois. Et ces lois gèrent l'univers. Mais pour autant, il y a... Le grand architecte, disait... Le grand architecte, mais il n'est pas en interconnexion avec les petites fourmis que nous sommes. Ça, c'est essentiel. Mais en revanche, ils doivent subir cet obscurantisme de la religion qui interdit la pensée. Il a fallu aller contre ces dogmes, contre cette toute-puissance du Seigneur qui faisait que l'homme n'avait pas le droit de se poser des questions sur ce qui faisait l'univers et ce qui régissait en quelque sorte la vie de tout à chacun. Ils vont avoir cette audace-là. Et c'est comme ça que Voltaire va instaurer l'esprit de tolérance. Aujourd'hui, on dit « soyez tolérants, admettez qu'il ne soit pas comme vous et qu'il puisse porter le voile, etc. » Bon, c'était pas du tout ça. Voltaire a dit, vous qui êtes religieux, vous qui n'admettez pas que l'on puisse en dehors, être en dehors de votre croyance, admettez que l'on puisse, au contraire, envisager l'existence d'une autre façon. Donc, soyez tolérants. La tolérance, c'est la religion qui s'efface pour laisser émerger l'esprit humain. Ça, c'est le point de vue de Voltaire. Comment réagit Madame du Châtelet qui... Tout de suite, elle est de son côté, de par son père, de par cette... capacité à la réflexion qui lui a été instillée très tôt. Elle ne pouvait que remettre en cause cet obscurantisme qui, en quelque sorte, ankylosait les crânes. Et elle était dans ce bonheur qui consistait à bouleverser tout ce qui avait été institué depuis si longtemps. Alors c'est un paradoxe, parce qu'on a d'un côté une femme d'une très grande liberté d'esprit qui va prouver à ses contemporains jusqu'où peut s'élever l'esprit d'une femme, ce qui n'était pas si évident à l'époque, parce que les femmes étaient de bonnes épistolières, elles tenaient salon, elles organisaient la sociabilité, mais pour autant on ne les supposait pas capables de mener des raisonnements jusque. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, mais d'ailleurs il y avait un café célèbre, oui. Le café Gradeau. Et là on se retrouvait entre hommes de science, et on essayait de voir jusqu'où on pouvait bousculer les idées reçues, quelles étaient les lois qui orchestraient cet univers. Mais les femmes n'y avaient pas accès. Elle fut la première à entrer en ce lieu, à aller agripper Maupertuis pour prolonger une conversation. Et tout en restant très féminine. Ah, j'ai dit ce goût qu'elle avait pour... Elle avait une garde-robe phénoménale, elle adorait tout ça. Hein, il faut dire... C'est elle... plus que ça, disons qu'elle est... Mais ça aussi, c'est Voltaire. Ce sont des théâtreux. Oui, ils voilà. passent leur journée à être dans des démonstrations de sentiments, mais également dans un affichage. Alors Voltaire, c'est la non-élégance. Souvent, il est avec sa robe de chambre, son bonnet de nuit, son côté... Maladif, un peu, oui, voilà. Bon, il a toujours quelque chose. Un malade chose. Qui va vivre jusqu'à 83 ans. Oui, voilà. Oui. Et alors, non, mais ce qui est extraordinaire, mais là aussi, c'est la comédie. C'est-à-dire que quand quelque chose lui déplaît, eh bien, soudain, monsieur a des maux de ventre, il a des coliques. Voilà. Alors, il s'enferme, etc. Il ne faut plus le déranger. Et instantanément, si son humeur change, il va réapparaître dans un salon. Alors, Émilie, elle. Vous l'avez dit, il y a les pierres. Alors les pierres précieuses, elle aime avoir des bijoux. Elle est surfardée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment sur une scène d'opéra et elle a une très très belle voix. Et cette femme de grande instruction adore, mais même en plein après-midi, soudain, réunir ses amis et leur chanter un opéra dans son intégralité. Et Voltaire, et pas que Voltaire, parce qu'on pourrait dire que les sentiments finissent par adopter les Louis, et que Louis, à ce moment-là, admet quelques fausses notes, que nenni. En l'occurrence, Madame du Châtelet fascine. C'est une sorte de Calas avant l'heure. Quand on va au château de Cirey, on comprend ce que ça a dû être. Hein, mais on se dit en même temps que dans un si bel endroit, avec une si riche nature, avec ses cuisines merveilleuses, avec cette enfilade de salons qui sont la grâce même, on pourrait très bien se laisser vivre tranquillement. Or, il ne se la coule pas douce, si j'ose l'expression. Mais non, mais c'est pas ça. On travaille du matin au soir. Mais oui, mais c'est pas ça. C'est pas du travail. C'est pour eux le fondement de la vie d'un être humain. Réfléchir, être constamment dans l'audace d'élaborer des théories. Le matin, pas question de grasse matinée. C'est à 5 heures que l'on s'éveille, chacun dans son domaine. Et quel domaine ? C'est-à-dire que Voltaire, qui a été le mécène des lieux, parce que le marquis n'avait pas grand-chose. C'est lui qui a tout restauré. Ah, mais tout restauré, mais il a dépensé des fortunes. Il avait des millions, faut dire. Il jouait en bourse, Voltaire, il était très riche, hein, il faut dire. Hein. Et puis, parfois, il était à la limite de l'escroquerie, oui. Il a eu quelques magouilles. Et d'ailleurs, quand il se trouvait menacé parce qu'il était repéré pour avoir mené ses mauvaises opérations, Émilie montait dans la capitale afin de réveiller les ministres et dire « Faites attention, monsieur de Voltaire, risque à nouveau la Bastille. » Donc elle a toujours eu ce militantisme, cette foi, mais cette adulation pour l'homme. Mais elle était complètement radine, dit-on. Elle était avare. Ah oui. Alors quand elle était à Paris toute seule, c'était un picrat immonde qui était servi à table. Les domestiques, c'était des picaillons qui leur étaient accordés à la fin du mois. Et quand on arrivait à Cirey, où c'était Monsieur de Voltaire qui régnait, qui régalait, là, alors là c'était l'abondance. Ouais. Mais si elle prenait le contrôle pour une ou autre région, à ce moment-là, eh bien, on découvrait qu'effectivement, ces menus d'agape pouvaient se restreindre. Le fait que Voltaire ait été en Angleterre a dû jouer un rôle, parce qu'il racontait l'Angleterre au-delà des simples écrits, etc. D'ailleurs, on dit que quand ils s'engueulaient tous les deux, c'était en anglais. En anglais ? Oui. Ah mais non, mais c'est formidable. Alors tiens, ça m'amène une anecdote. Émilie, alors il y a ce travail, 5 heures du matin jusqu'à 10 heures, chacun dans sa chambre. À 10 heures, en revanche, il faut être discipliné. Un petit détail aussi, c'est qu'elle a là une chambre inouïe, c'est une chambre de palace d'aujourd'hui, tout en jaune et noir. Monsieur de Voltaire avait estimé que c'était le plus séant pour correspondre au teint de madame, de sa divine. Et il y avait une salle de bain avec baignoire en marbre, imaginée en 1737. Il a fait ses travaux, qu'elle soit dans ce cocon, qu'elle puisse ainsi donner tout l'élan créateur à son esprit. Et lui aussi, en revanche... Que la matière disparaisse d'une certaine manière. Voilà. Qu'elle ne soit plus un poids, plus exactement. Mais en revanche, si vous étiez invité, il y a ces espaces que vous avez évoqués, Franck. Mais en revanche, la nuit, c'est dans les combles et vous aviez intérêt à avoir un gros manteau parce que vous étiez mal chauffé et les fenêtres étaient mal jointes. Voilà. Mais donc, Émilie, lorsqu'elle descend et qu'elle convoque les uns et les autres, il y a ces grandes scènes de théâtre. Parce que c'est le théâtre tous les jours, il y a les répétitions. Les répétitions, c'est le lundi et le mardi. Et les autres soirs, ce sont les représentations officielles dans un théâtre qui est très réussi, mais un théâtre de poche. Oui, un Voltaire, tout petit théâtre, voilà, oui. Voilà, Voltaire dit un théâtre de marionnettes. C'est ça, oui. Hein, bon, et alors revenons à cette anecdote, parce qu'elle adore jouer. Voltaire jouait de temps en temps, il appelait ça « nettoyer ses finances ». Alors quand il allait... aux eaux, une fois par an, faire une cure. Prendre les eaux, comme on disait. Prendre les eaux. Le soir, il se laissait aller au jeu, il perdait tout, mais ça nettoyait ses finances. Peut-être que ça lui permettait d'oublier que parfois, il n'avait pas toujours les bonnes attitudes dans ce qu'il magouillait de ce côté-là. Et Émilie, elle, était prise par ce démon du jeu. Et un jour, on est à la cour de France, qui s'est réunie à Fontainebleau, l'entourage de la reine. Et Voltaire accompagne Émilie. La reine qui est la fille du roi Stanislas, donc complètement. On parlait. Hein. Et Émilie s'installe à la table de la reine, on joue et elle perd. Elle perd une somme énorme. On voit Voltaire qui se crispe. Et puis elle se tourne vers lui, elle n'a plus rien à miser. Alors Voltaire prend ce qu'il a dans sa poche. Ça ne suffit pas. Là, il convoque un valet, il demande à ce qu'on prête de l'argent. Elle engage tout, elle va perdre 150 000 livres en une heure et demie. Et il se tourne vers elle, il dit « Mais madame, vous ne vous rendez pas en anglais ?» On en revient à ce que vous disiez. Là, on parle en anglais. Madame, vous ne vous rendez pas compte que vous avez affaire à des fripons. Vous imaginez des fripons à la table de la reine. C'est elle qui a directement attaqué la reine. Et bien évidemment, une personne comprend. Et là, ils sont obligés de déguerpir en fuyard pour éviter l'embastiment. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1 au cœur de l'histoire avec votre invité Franck Ferrand, le journaliste et écrivain Marc Menant, pour parler de la relation entre Madame du Châtelet et Voltaire. Une de nos auditrices, Marc, nous dit que la prochaine fois qu'on vous invitera, il faudra prévoir plutôt 2 heures. Ce serait peut-être plus sage. Alors on va essayer néanmoins de faire tenir dans l'heure à peu près ce que nous avons à dire. On a du 18e siècle, de ce siècle des Lumières, une image extrêmement positive. Bien sûr, on voit Voltaire, Madame du Châtelet, un certain nombre d'autres, les auteurs de l'encyclopédie, Diderot, etc., qui vous sont chers. On les voit faire avancer la pensée. Mais il ne faut pas oublier que tout ça s'effectue dans un contexte qui est difficile. Il ne faudrait pas croire que tout le monde est amoureux de l'esprit à cette époque. C'est même pire que ça. Il faut se battre. Il faut se battre. Hein, c'est-à-dire, pourquoi ils sont assirés ? C'est parce que Voltaire est constamment sous la menace d'embastillement. Et au nom de quoi ? Eh bien, de cette évolution de la pensée qui fait que... Voltaire, qui par ailleurs pourtant est très bien vu à la cour, qui est historiographe du roi, etc. Mais néanmoins, il y a la censure, il y a l'église, il y a tous ceux qui veulent éviter qu'il freine des quatre fers, si l'on peut dire. Voilà, et c'est la religion et les cardinaux qui tiennent quand même l'entourage du roi, qui se sentent menacés. Si le dogme est remis en cause, c'est leur pouvoir qui va s'effriter. Donc Voltaire est une menace, et Émilie qui le soutient, une menace également. Et que dire de Diderot qui, lui, s'affichera carrément athée ? C'est-à-dire que... Il va très loin, lui. Il va plus... C'est inouï. Il dit, Dieu, on s'en moque, il n'existe pas. En revanche, Voltaire, lui, ce qu'il prône, et à partir de la Henriade, qui fait un scandale inouï, c'est de dire... On l'évoquait tout à l'heure, que la religion se retire un peu, qu'elle laisse l'esprit s'exprimer. Alors ce qui est fascinant, c'est que la religion dont parle Voltaire, essentiellement c'est la religion catholique de l'époque, mais il s'attaque aussi déjà à l'islam à travers Mahomet, la pièce Mahomet. Tout à fait. Alors Mahomet, c'est les deux. C'est-à-dire que il faut voir la lettre qu'il écrit à Frédéric aujourd'hui, Frédéric II, le roi de Prusse, le roi de Prusse, qui va l'accueillir, qui l'a accueilli une première fois, ça a rendu furieuse Émilie du Châtelet. Il y avait une sorte de, comme si Frédéric II pouvait être l'amant de Voltaire. Il faut dire qu'il était homosexuel. Lui. On est d'accord. Et puis les lettres enflammées qu'ils s'échangeaient l'un et l'autre, on se dit qu'effectivement, il y avait cœur sous roche. Mais en l'occurrence, Émilie est dans un état maladif le temps du court séjour auprès du roi de Prusse. Ça, c'est en 42. Voilà. Et puis Voltaire, après la mort d'Émilie, retournera en Prusse. Alors là, ça se passera très mal en 1750. Nous sommes d'accord. Et donc, lorsque la Henriade paraît, c'est la remise en cause de tous ces dogmes, et quand il écrit Mahomet, lorsque il va justifier cet écrit auprès de Frédéric, il lui dit « Mais certains ont mal compris, on voudrait n'y voir qu'une attaque contre la religion catholique. » Non, les termes qu'il tient à l'égard de Mahomet sont d'une virulence invraisemblable. Et il voit là, eh bien, malheureusement, une dégradation, je dirais, de cet esprit de liberté quand les témoignages qu'il peut avoir, bien évidemment, on n'est pas en lien comme aujourd'hui avec les systèmes radio, mais on sait bien que les théocraties venant du Moyen-Orient et autres sont des théocraties encore plus fanatiques que celles de l'Église qui commence à être obligée de lâcher du lasse. Oui. Voilà. Mais néanmoins, il va se battre, et c'est ça l'esprit de la laïcité. Là, j'ai écrit donc un petit manuscrit, un manifeste qui s'appelle « La laïcité dévoilée ». Et c'est bien pour dire que ces gens qui voulaient nous libérer de ce système où on était otage du Tout-Puissant, il dit « Mais quel est ce monde ?» où on verrait par exemple les flagellants qui aiment se masquer, aller et venir comme ça, que l'on ait des tenues, que l'on soit identifiable en fonction de sa croyance. Est-ce que véritablement on pourrait être dans la liberté ? Est-ce que véritablement on pourrait être des hommes ? Non, vous seriez désigné comme étant l'ennemi. Porter la trace de sa croyance, c'est attiser chez l'autre l'esprit de haine. Méditons cela. Aujourd'hui, on est on là. On dit ça au 18, au milieu du 18e siècle. Milieu du 18e siècle. Alors aujourd'hui, vous en avez certains qui badinent, qui disent « Oh, mais soyons tolérants !» Au nom de je ne sais trop quel post-colonialiste, affirme qu'un foulard, ce n'est pas grave. Mais c'est ce qui se cache derrière ce foulard, qui est effectivement extrêmement dérangeant et que Voltaire avait déjà fait remarquer. Et n'oublions pas que le foulard était un élément, un attribut que l'Église catholique depuis saint Paul avait exigé. Il fallait que les femmes catholiques françaises, elles aussi, portent le foulard. Moi, quand j'étais elles gamin, ont mis du temps à s'en débarrasser, mais bien évidemment. Hein, ouais. Jusque dans les années 60, les femmes allaient avec certaines leur fichu. Femmes, oui, non, non, mais enfin, moi, je suis issu d'une famille extrêmement modeste et ma grand-mère, il ne lui serait jamais venu à l'esprit de sortir sans son fichu, elle aurait été déshonorée. Et donc, il a fallu se battre comme il n'est pas permis. Et aujourd'hui, quand on dit que c'est de grandes dépoitraillades, cette façon de la femme de pouvoir enfin s'affranchir de tous ces de toutes ces castrations, c'était d'avoir enfin le droit à son corps. N'oublions pas aussi que jusque dans les années 1935, une femme qui voulait aller se baigner du côté du Tréport ou je ne sais trop quoi, il fallait qu'elle se cache dans des petites chevilles, oui. Voilà, jusqu'aux chevilles, elle était portée par des porteurs dans une chaise à porteurs jusqu'à l'eau. Là, elle dégageait ses chevilles et en douce, en clandestine, elle trempouillait les doigts de pied avant de redisparaître dans cette cabine mouvante. En tout cas, jusqu'à la Première Guerre mondiale, disons. Voilà. Voltaire, il va falloir conclure, Marc, et nous n'avons pas les deux heures dont parlait notre auditrice. Voltaire signait beaucoup de ses lettres de l'acronyme Écrelinphe, qui voulait dire écrasons l'infâme. Ce qu'il appelait l'infâme, c'était l'intolérance, tout voilà. Simplement. Hein. Tout simplement, et aujourd'hui, moi j'aimerais que les uns et les autres, nous nous posions des questions. Au nom de quoi ma liberté, elle peut déranger celle de l'autre, et que le mot liberté, on ne peut pas le décrédibiliser. C'est-à-dire que la liberté, c'est une sorte de respect de respect de l'autre et un engagement de soi autrui. La laïcité dévoilée de Marc Menant, c'est disponible sur votre site www.marcmenantenunmot.fr. La laïcité dévoilée. Merci beaucoup, Marc, de l'avoir ressuscité pour nous l'esprit des Lumières. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Benjamin qui, via la page Facebook de l'émission, vous demande d'où vient l'expression douche écossaise. Alors, c'est compliqué, cette histoire. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le climat écossais, hein, je vous rassure tout de suite. On parle bien de pratiques balnéothérapiques. En quelque sorte, c'est un peu la thalasso avant l'heure, d'une certaine manière. Alors, il faut savoir que dès l'Antiquité, on utilisait déjà les vertus thérapeutiques de l'eau. Hippocrate lui-même, puisqu'on revient toujours à Hippocrate, utilisait l'eau pour soigner un grand nombre d'affections comme la goutte, les rhumatismes, la paralysie, le tétanos, même en fonction de la température de l'eau, bien entendu. Vous savez que c'est en Europe du Nord, ainsi qu'en Russie d'ailleurs, qu'on va pratiquer le système des variations de température avec le sauna d'un côté, les bains d'eau absolument glacés de l'autre. Les Finlandais sont très doués pour ça. Et à partir du XVIIIe siècle, on invente un système qui s'appelle la douche, qui au départ est uniquement thérapeutique. On l'utilise notamment pour les fous. Vous savez, dans les asiles, on les met sous l'eau très froide. Enfin, c'est assez horrible, il faut bien le dire. À partir du XIXe siècle, on va voir naître des centre d'hydrothérapie écossais où l'on utilise des douches alternativement chaudes et froides. Et voilà la douche écossaise. Voilà en tout cas pour le sens propre. Parce que pour ce qui est du sens figuré, il faudra attendre les années 30 pour qu'on parle de douche écossaise pour évoquer une situation où l'on souffle alternativement le chaud et le froid.